Le directeur du Centre d'études coréennes de l'Institut des problèmes de l'Extrême-Orient de l'Académie des sciences de Russie a été interviewé par un correspondant de l'agence de presse RIA Novosti. Il a dit que Park Geun-hye de Corée du Sud a, dans sa politique extérieure, pris une part active à la formation de l'encerclement contre la Chine par l'administration américaine. Il a ajouté que par le problème de disposition de SAD, les relations économiques sino-sud-coréennes ont subi une frappe tout comme les rapports politiques et que donc la Chine a commencé à châtier la Corée du Sud.